de notre Nous, on est les sacrifiés qui se sont sacrifiés et qui avons accepté d'aller visiter les plans les plus éloignés de la création de façon à permettre à ce qu'il y a de plus supérieur dans la création d'avoir un intermédiaire entre la matière et eux, l'homme. Bon. Et le fruit de tout cela, alors, c'est la conscience. Le fruit de tout cela pour l'homme. L'esprit conscient dans la matière. Oui, on ne parle pas du plan cosmique. On parle pour l'homme, c'est d'avoir un esprit dans la matière, sans que l'esprit ne devienne matière. Mais ça, est-ce que c'est dans le but de spiritualiser la matière, de l'amener aussi à un niveau plus élevé? Exactement, c'est dans le but de détruire la matière. Autrement dit, c'est une grande descente pour une grande remontée. Oui, l'humain a été déchu à une vitesse suffisamment folle pour aller rattraper la chute de la matière. Alors, l'humain est arrivé, bang, à toute vitesse sur la planète Terre. Et là, il vit un phénomène expérientiel. On l'a placé dans un ciel pour qu'il puisse rester sur la planète Terre. Et là, les phénomènes, les anges gardiens sont justement les anges qui obligent l'humain à ne pas devenir de la roche. Et là, il y a un phénomène évolutif qui oblige l'humain, à un moment donné, à prendre contact avec ce qu'il a placé là, donc avec lui. Et là, lorsque le contact est fait, ce qui est lucide ici peut instruire ce qui n'est pas lucide sur la planète Terre. Et ce qui est ici connaît la matière, va donc être capable de ramener, donc, de rendre la matière lumière, comme tu dis, donc de diviniser ou de supramentaliser. Alors, on pourrait dire, à la rigueur, qu'immortaliser son corps physique, ce serait presque aller contre la nature même de ce plan. Mais c'est contre la nature. L'immortalité ne procède pas de la conservation mémorielle d'un corps physique. Imaginez-vous, vous avez un corps physique qui n'est pas parfait. Pourquoi vouloir le conserver comme ça?